Chante-nous une chanson, l'artiste. Une chanson d'homme, une chanson triste. Avec une voix à l'italienne. Une voix brisée, presque inhumaine. Qui jaillirait des profondeurs. Qui nous enflamme l'âme et le cœur. Nous n'aurons connu qu'un seul hiver. Adieu mon ciel, adieu ma terre. Chacun peut partir où il veut. Nous avons brûlé la dernière heure. Adieu. Adieu mon cœur, bonjour les jours qui sonnent creux. Nous n'avons à craindre aucun remords. Adieu ma vie, adieu ma mort. La fin du monde est dans tes yeux. C'est joli l'artiste.